vieux rêve de science-fiction, pouvoir parler directement avec son ordinateur et qu'il puisse nous répondre dans une voix aussi intelligible, calme et décontractée que HAL 9000 dans 2001, Odyssée de l'espace. Outre le fait qu'avec HAL, ça ne finit pas très bien, le traitement automatique du langage naturel et la synthèse vocale sont surtout de vieilles antiennes qui remontent au tout début de l'informatique avec, comme souvent, une visée militaire initiale qui va petit à petit tomber dans le domaine civil, jusque dans votre poche et depuis peu à votre domicile, avec la démultiplication des assistants personnels dont les géants de l'informatique veulent faire nos meilleurs amis du quotidien. Parlez-vous l'ordinateur, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler entre êtres humains de la façon dont nos ordinateurs nous parlent à nous, ou nous comprennent surtout, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Tellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de linguistique informatique à l'université Sorbonne Nouvelle, membre du laboratoire LATIS pour langue, texte, traitements informatiques et cognition. Bonjour Chloé Clavel. Bonjour. Vous êtes professeur associé en informatique affective à Télécom Paris Tech. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est l'informatique affective. Vous pouvez nous suivre en attendant et comme chaque jour pour recommencer, sur les ondes de France Culture et en parallèle sur notre fil Twitter @laméthodefc. Mais pour commencer, petit exercice pratique pour mes deux invités, mais pour vous qui nous écoutez également. Je vais vous faire écouter deux voix. Laquelle est humaine et laquelle est synthétique? That girl did a video about Star Wars lipstick. That girl did a video about Star Wars lipstick. Allez, ça passe un peu vite, je vous les rediffuse une par une et je vais vous demander si c'est un ordinateur ou une voix humaine. La première. That girl did a video about Star Wars lipstick. Alors? Video about Star Wars lipstick. Alors, est-ce que la première est synthétique ou humaine? Est-ce que la deuxième est synthétique ou humaine? Pas facile, hein. Moi je vote pour la deuxième, pour l'ordinateur, mais pas facile. Hein. La deuxième pour l'ordinateur. Moi c'est l'inverse. Mais... Vous voteriez pour la première pour l'ordinateur. Alors on va vous diffuser les deux côte à côte et je vais vous donner la réponse tout de suite. That girl did a video about Star Wars lipstick. That girl did a video about Star Wars lipstick. C'est Chloé Clavel qui a gagné, la première voix est ordinateur, la deuxième est humaine. Allez, on refait un petit test maintenant que vous avez compris le principe avec une autre phrase, écoutez. George Washington was the first president of the United States. George Washington was the first president of the United States. Isabelle Tellier. Là, c'est la deuxième. La deuxième qui est l'ordinateur. L'ordinateur. La deuxième qui est l'ordinateur. Oui, je me trompe tout le temps, c'est ça. Peut-être. Moi, je dis que c'est la première qui est l'ordinateur. La première qui est l'ordinateur, et c'est Chloé Clavel qui gagne une deuxième fois. Chloé est spécialiste de l'oral, c'est normal. Moi, je l'écris. Je voulais faire écouter une dernière fois parce que c'est très intéressant, surtout chez vous. Maintenant que vous savez que la première est l'ordinateur et la deuxième est la voix humaine, écoutez la différence. George Washington was the first president of the United States. George Washington was the first president of the United States. Oui, c'est difficile d'entendre la différence que vous venez d'entendre. C'est un test qui est proposé par l'intelligence artificielle de Google qui s'appelle Tacotron 2, dont les derniers résultats sont tout récents. Ils datent du mois de décembre. Alors, une fois n'est pas coutume, pour le moment, seule une voix féminine est synthétisée. On a du mal encore manifestement à synthétiser des voix masculines. Peut-être que on se rend compte, et là c'est une question cette fois-ci, ce n'est plus un exercice, Isabelle Tellier, Chloé Clavel, qu'on arrive à ce moment, pour le moment c'est sur une seule voix, mais où la distinction devient quasi impossible. Ça veut dire qu'on est à l'orée du moment où, à partir d'un extrait par exemple de cette émission et de quelques phrases que j'aurais pu prononcer, on pourra synthétiser totalement, complètement ma voix et finalement faire en sorte qu'en entrant un texte sur l'ordinateur, ce sera plus moi au micro mais un ordinateur qui parlera à ma place sans que personne s'en rende compte. C'est vrai que là, sur les deux exemples, la différence, elle est assez minime. On peut entendre, effectivement, moi, j'entends un petit peu quelques liaisons, en fait, entre les syllabes qui sont un peu moins fluides sur l'une que sur l'autre et une prosodie, c'est-à-dire une mélodie de la voix qui est moins coulante, en fait, effectivement, sur la voix par ordinateur. Mais c'est vrai que c'est très, très fin. J'ai eu peur de me tromper, hein. je me suis dit mince. Mais du coup, c'est vrai que là, c'est assez impressionnant. Vous pensez que le moment précisément où ce ne sera plus sur une seule voix, parce que là, c'est évidemment un cas particulier, puis ce sont par ailleurs des exemples qui sont donnés quasiment par Google, qui a intérêt évidemment à montrer ses résultats techniques, donc il faut faire attention, tout ne peut pas être synthétisé avec ce niveau de finesse-là, mais on arrive vraiment très proche, à votre avis, à moyen terme, dans quelques mois, quelques années, à la possibilité de totalement synthétiser une voix humaine. Là, on parle de synthèse, on ne parle pas encore de compréhension, de telle sorte qu'on ne puisse plus faire la différence entre l'original et le synthétique. Alors, je pense qu'après, ça dépend aussi dans il y a plusieurs choses si on veut pouvoir introduire de la variabilité dans la voix de synthèse. C'est-à-dire que là, dans l'exemple qu'on a entendu, le premier exemple où c'était une voix sur ordinateur et une voix humaine, la voix sur ordinateur était très proche de la voix humaine, mais si on avait voulu synthétiser donc une voix d'homme, et ici, dans nos exemples d'apprentissage, avec beaucoup d'exemples d'apprentissage différents, et pouvoir intégrer en fait de la variabilité dans la synthèse, ne serait-ce qu'en termes de timbre de voix, mais aussi pouvoir paramétrer les voix, pouvoir leur dire de véhiculer telle émotion ou telle attitude sociale quand on est dans une interaction. Alors là, je pense que le défi, il est encore il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis Isabelle Tellier, il y a aussi le défi, parce que là pour le moment on est dans de la synthèse vocale, donc c'est un pur exercice de synthèse. Il y a évidemment le défi de la compréhension, c'est-à-dire que le moment, puisque l'objectif affiché par les géants de l'informatique, c'est de faire disparaître toute interface entre nous et l'ordinateur, il n'y a plus qu'une interface vocale, sensorielle, ou en tout cas de perception éventuellement visuelle et vocale. Sur l'étape de la compréhension, il y a encore pas mal de travail à faire. Oui, c'est la vraie difficulté, c'est de comprendre le sens, enfin de donner aux ordinateurs une notion de qu'est-ce que ça veut dire comprendre le langage, leur donner accès au sens. Donc c'est vraiment le dernier bout de la chaîne de l'analyse, la phase d'analyse. Là, effectivement, vous avez donné des exemples de synthèse, mais phase d'analyse, c'est on fournit à une machine, alors soit un signal acoustique, soit des textes déjà transcrits, parce que qui proviennent soit de la transcription justement d'un signal oral, soit qui ont été directement écrits. On a de plus en plus de textes qui sont tapés directement à la machine. Mais accéder à ce sens, ça, c'est le vrai défi des ordinateurs. Les ordinateurs, ils sont complètement coupés du monde, faut imaginer. Ils sont, leur monde, c'est uniquement des signaux et des signes, des chaînes de caractères. Le sens pour un humain, c'est autre chose. C'est le lien avec l'extérieur, c'est la relation au monde. Et ça, les ordinateurs ont encore beaucoup de difficultés à accéder à ça. Ce que vous dites, c'est que en linguistique, les ordinateurs n'ont absolument pas accès aux signifiés, ils ont accès qu'aux signifiants. Eh oui, c'est ça le problème. Rappelez la différence entre les deux, peut-être, si vous qui êtes linguiste. Oui. Toute unité linguistique, les unités linguistiques de base qui correspondent plus ou moins aux mots. La notion de mot est pas très linguistique, mais bon, disons qu'en première approximation, on peut parler de mots. Un mot, c'est à la fois une forme, une suite de caractères. Dans tous les cas, dans la langue française, par exemple, ça s'écrit dans l'alphabet français avec une suite de caractères. Et puis, ça réfère à quelque chose d'extérieur. Les ordinateurs, ils ont aucun organe perceptif, sauf éventuellement les robots auxquels on essaie de donner des organes. Mais un ordinateur, il a aucun autre accès au monde que ces suites de caractères qu'on lui fournit. Donc un ordinateur, en fait, moi j'ai envie de dire, il est dans la situation d'un humain qui serait enfermé dans une bibliothèque avec plein de livres, mais écrit dans une langue qu'il ne comprend pas. Il n'a que des suites de caractères. Voilà. Et qu'est-ce qu'il comprend au monde avec ça? essayez de vous imaginer. Il peut être très intelligent, il peut faire plein de calculs, plein de corrélations sur quelle suite de caractères apparaissent après quelle autre et quelle suite de mots apparaissent après quelle autre. Mais il a juste des relations numériques entre les mots, et il a aucune notion de à quoi ça correspond vraiment dans le monde. Ce que les humains, évidemment, la notion de sens pour les humains, c'est ça qu'on pense, quoi. Je pense qu'il y a un exemple que je trouve intéressant, c'est la suite de caractères ROUGE. Si on ne sait pas ce que c'est, si on ne le renvoie pas à un réel, c'est totalement abstrait en quelque sorte, Chloé Clavel. Si vous êtes enfermé dans une bibliothèque et qu'il n'y a rien qui vous pointe vers ce que désigne la suite de lettres ROUGE, comment faire pour intégrer le signifié de ce type de... de mots, ou en tout cas de suite de cette séquence de lettres. Oui. Effectivement, un point important en fait sur le fonctionnement des méthodes qui sont implémentées sur cette compréhension de cette suite de mots, c'est qu'en fait, elles reposent beaucoup sur un grand nombre de données qui ont déjà été annotées par des humains. Donc l'expertise humaine est introduite en fait par des annotations. Donc on demande à des gens de dire que là, dans l'exemple, que ROUGE, rouge, est une couleur, quoi. Donc on va avoir de nombreuses données d'annoter avec cette séquence de caractères et la catégorie rouge. Et derrière, en fait, tout l'enjeu, c'est de pouvoir, à partir de ce grand nombre de données, de pouvoir faire apprendre à la machine ce mapping de cette suite de caractères à la couleur. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut peut-être préciser pour compléter cette introduction, c'est que si pour nous, êtres humains, le langage, la perception, la compréhension du langage, même si elle peut être complexe dans un certain contexte, dans des contextes un peu particuliers, mais la compréhension d'un langage simple, c'est déjà pour une phrase de signifier extrêmement, zéro, dirait Barthes, hein, le degré zéro de l'écriture, le chat boit du lait, sur une phrase aussi simple, qui nous paraît extrêmement simple, eh bien c'est déjà, ça met en jeu un nombre de processus extrêmement complexes, perceptifs, sensitifs, intellectuels, cérébraux, Isabelle Tellier. Oui, évidemment, il y a énormément de sous-entendus, d'implicites dans le langage. Peut-être que je vais vous proposer un autre exemple dans lequel on verra encore plus les implicites. Bon, un exemple très simple, je dis l'agent lève la main, la voiture s'arrête. Bon, pour un humain, ça pose aucun problème de comprendre ce qui se passe. Si vous donnez ça à un ordinateur, même si il a une vague notion des mots qui sont utilisés dans ces phrases, quelle est la différence pour lui entre cette phrase et l'agent et c'est Superman qui, voilà, il a levé la main, il a arrêté la voiture, c'est Superman, quoi. En gros, c'est ça. Alors qu'un humain, qu'est-ce qu'il a compris? Il sait qu'un agent, il a un costume qui est le signe de son autorité, que quand il lève la main, c'est un signe conventionnel qui signifie que, voilà, non pas la voiture, mais le conducteur de la voiture, parce que la voiture, elle est conduite par un humain qui a reconnu l'agent en question, qui a reconnu le signe, qui a arrêté la voiture, elle s'est pas arrêtée, tout ça. Voilà, tout ça, c'est complètement évident pour un humain, parce que il sait la situation sociale dans laquelle qui est décrite par cette phrase, mais un ordinateur, vous avez vu toutes les explications que j'ai dû fournir pour montrer la suite de causalité en fait qui est exprimée dans une phrase toute simple comme ça. Est-ce que Chloé Clavel, l'ensemble de ces conventions de langage qui sont implicites pour nous, est-ce qu'un ordinateur a besoin? Est-ce qu'il est nécessaire de programmer un ordinateur qui va faire de la reconnaissance, ou en tout cas du traitement automatique du langage naturel? Est-ce qu'il est nécessaire de lui implémenter toutes ces conventions-là? Est-ce qu'il y a une sorte de minimum commun, de plus petit dénominateur commun pour permettre de traiter, de faire de la reconnaissance textuelle? Alors, moi, je travaille plutôt sur des méthodes qui sont des méthodes de type apprentissage statistique, machine learning, donc où l'objectif est de récupérer un grand nombre de données, de les faire annoter, comme j'expliquais tout à l'heure, par des humains qui vont mettre cette expertise, donc qui vont selon ce qu'on veut chercher à la connaissance qu'on veut chercher à inférer, on va la noter et après derrière essayer de développer des algorithmes qui vont apprendre les relations causales qui vont exister entre la séquence de mots et le sens que l'on veut donner à cette séquence de mots. Donc voilà, moi je travaille plutôt sur ce type de méthode là, mais je sais qu'il en existe d'autres où l'expertise linguistique est modélisée Pour compléter, est-ce que pour reformuler différemment, dans le machine learning que vous utilisez pour le traitement automatique du langage, il n'y a finalement quasiment pas, si je comprends bien, je parle sous votre contrôle, d'implication sémantique. C'est-à-dire que vous n'enjoignez pas les ordinateurs à comprendre ou à formaliser le sens des caractères ou des suites de caractères qu'on lui soumet. Alors, disons que ça dépend du nombre de données dont on dispose. Mm-hmm. Si on est Google, dont on dispose un grand nombre de données, donc des données massives, et alors avec la possibilité de récupérer facilement aussi, parce que l'annotation humaine a un coût, quoi. C'est très coûteux en temps de et puis ça nécessite une expertise linguistique aussi, cette annotation humaine. Après, si on a beaucoup de données, les méthodes actuelles peuvent permettre d'aller de créer des catégories de manière assez efficace, à condition d'avoir beaucoup de données. Puis ça dépend effectivement des catégories et du niveau sémantique qu'il y a derrière ces catégories et de ce qu'on veut chercher à extraire. Si on a très peu de données, très peu de connaissances, en fait, très peu de données qui permettent en fait d'avoir ce mode de fonctionnement, peut-être que effectivement là on est obligé de, alors si on a un peu moins de données que Google, on peut aussi ou un peu moins de données annotées, on peut essayer aussi d'intégrer à l'intérieur de ces méthodes de machine learning, d'apprentissage statistique, des connaissances à l'intérieur des caractéristiques que l'on met en entrée. C'est-à-dire qu'on transforme le texte en un vecteur et cette représentation vectorielle du texte, la réflexion sur la manière dont on va représenter ce texte sous forme de vecteur, en fait, on peut insérer la connaissances linguistiques dans cette représentation. Par exemple. Alors, oula. Donc, par exemple, on peut, si on cherche à faire un système qui analyse les opinions entre positif et négatif, on a des ressources qui existent avec des lexiques de sentiments où on sait que ce mot, il est plutôt à connotation positive qu'à connotation négative. Par exemple, si je suis une marque et que j'aimerais traiter une grande base de données, par exemple savoir comment ma marque est perçue sur un forum de discussion ou c'est, pourquoi pas en règle générale sur une recherche Google, eh bien vous allez pouvoir dire tel mot est plutôt une perception positive, tel mot est plutôt une perception négative et qu'à coller à ma marque, eh bien à la fin je vais pouvoir avoir un équilibre qui va me dire, ben voilà, cette marque elle est plutôt, c'est ça ou pas ? Exactement, sauf que l'idée c'est de le mettre dans les caractéristiques parce que le problème après c'est que si on prend par exemple la phrase je suis satisfait et je ne suis pas satisfait, le mot satisfait en lui-même a une connotation positive, mais je ne suis pas satisfait, la phrase a une connotation négative. Donc, en fait, la question du traitement de la négation est une question aussi qu'on peut, après, choisir d'intégrer en plus dans les caractéristiques, de pouvoir se dire que si satisfait est précédé d'une négation, alors Mais tout ça, ça va être à l'intérieur d'une modélisation, et après, l'algorithme d'apprentissage derrière peut choisir ou non d'utiliser cette caractéristique. Alors, je vais reposer la même question à vous, Isabelle Tellier. Cette notion, ce que vous avez expliqué, par exemple, avec l'agent lève la main, la voiture s'arrête, c'est-à-dire cette notion des conventions de langage, est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce qu'il faut les implémenter pour permettre aux ordinateurs de comprendre dans la finesse un texte qu'on leur soumet, un texte écrit pour le moment, ou est-ce qu'il faut s'en dispenser? Est-ce qu'il y a une même question, un minimum statistique à apprendre, un plus petit dénominateur commun dans les conventions? Alors bon, là, les conventions sociales, à mon avis, c'est vraiment le dernier niveau. On en est encore très loin. Ceci dit, rien qu'avec des grandes quantités de textes, c'est-à-dire dans une bibliothèque, avec une grande quantité de textes dont on n'a pas d'informations sur leur sens, a priori, enfin, imaginez donc dans une langue que je ne comprends pas, on peut quand même extraire un peu de sémantique. Alors, je peux expliquer un petit peu comment ça marche, parce qu'il y a une notion de ce qu'on appelle la sémantique distributionnelle, qui à l'origine est une théorie linguistique. Ça consiste à dire que le sens des mots, en fait, il s'explique par le contexte des autres mots qui sont autour. Voilà. Et en fait, du coup, des mots qui sont proches sémantiquement, on va les retrouver dans les mêmes voisinages d'autres mots. Alors ça, c'est une notion sémantique, vous voyez, justement, qui fait pas référence au monde extérieur, qui fait référence uniquement au contexte des autres mots à l'intérieur de texte. Et donc, du coup, ça, on peut l'opérationnaliser, c'est-à-dire on peut la transformer en calcul. Les ordinateurs, on peut leur demander de calculer pour chaque mot dans un texte, de prendre une petite fenêtre de 3 mots avant, 3 mots après, de compiler tout ça, et puis de constater quels sont les contextes qui sont similaires et on arrive à... Alors, en fait, il y a eu des méthodes récentes qui ont beaucoup fait progresser ce domaine-là, qui sont liées au réseau de neurones, qui sont voilà les grandes nouveautés dans le domaine de l'apprentissage automatique depuis quelques années. Le réseau de neurones, déjà... c'est l'apprentissage profond, on en a parlé dans cette émission plusieurs fois. On va vous mettre évidemment, comme chaque jour, les liens sur notre fil Twitter. Alors voilà, mais l'apprentissage profond et les réseaux de neurones, ils ont eu une application assez récente, ça date de 4-5 ans, dans le domaine du traitement automatique des langues, qui est justement le fait d'opérationnaliser cette notion de sémantique distributionnelle et qui permettent notamment de transformer chaque mot en comptant ces contextes de part et d'autre à l'intérieur de textes. On peut transformer ces mots en un vecteur. On a un vecteur, alors on choisit le nombre de dimensions qu'on veut, donc c'est une centaine en général, donc une centaine de dimensions, c'est-à-dire que chaque mot est associé à une centaine de nombres. Voilà, alors chacune des dimensions, il n'y a pas d'interprétation à chercher dans les dimensions, hein, c'est pas, il n'y a pas de représentation sémantique explicite, mais c'est juste un mot égale un vecteur dans un espace à 100 dimensions. Et une fois qu'on a ça, ben en fait on peut faire après des proximités, des calculs de proximité entre les vecteurs. Donc les vecteurs sont proches, donc les vecteurs, hein, c'est comme en général en lycée on les fait en dimension 2, donc ça fait des petites flèches. Des petites flèches de 1 vers un autre, exactement, vers un autre point. Donc ils ont tous le même point de départ, et puis il y a une petite flèche avec des points d'arrivée différents. Deux vecteurs sont proches, et en fait, si l'angle qu'ils font entre eux est petit, voilà, plus, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même dimension, ils correspondent aux mêmes proportions des différentes coordonnées qu'ils ont. Et donc, ça, tout ça, c'est des calculs mathématiques, on sait calculer des distances entre des vecteurs, etc. Et du coup, on a appliqué ça sur des grandes quantités de données, sur des textes, et on a observé les vecteurs qu'on obtenait avec ça, et on s'est rendu compte que, par exemple, justement, tous les vecteurs, si on cherche les vecteurs qui sont proches d'un certain mot donné, par exemple les vecteurs qui sont proches du mot pomme, eh bien on va tomber sur des autres fruits et légumes, par exemple. Si on cherche les vecteurs proches des voitures, on va trouver les autres modes de transport. Pourquoi ? Parce que ils étaient dans les mêmes contextes. Voilà, quand je dis voilà à la fin du repas je mange une, bah vous voyez c'est un même contexte qui permet d'introduire différents fruits. Et puis pour aller à la maison de la radio je prends un voiture, vélo, voilà tout ça c'est des contextes similaires. Donc c'est normal que les vecteurs se retrouvent au même endroit. Et donc il y a une espèce de proximité qu'on arrive à capturer par ce biais-là, qui est assez forte. Alors il y a même eu des expériences où on a pu faire des opérations mathématiques sur ces vecteurs. On peut les additionner. Donc en additionner les vecteurs, on les met bout à bout, hein, d'un point de vue mathématique, et puis on calcule les coordonnées. Et alors, il y en a qui ont montré que, par exemple, quand on additionnait le vecteur qui représente le roi, et puis le vecteur de femme, on les additionne, et miraculeusement, on tombe sur un vecteur qui est assez proche du vecteur qui représente reine. Ah, c'est bon quand même. Oui. Bon, alors, ça c'est la théorie. Hein. Je vous cache pas que ça marche pas toujours aussi bien. il faut avoir beaucoup de données pour que ça s'applique. C'est-à-dire, il faut appliquer ça sur des grandes quantités de textes dans lesquels justement il y a eu énormément de contextes qui se sont répétés, que les textes soient pas trop biaisés, c'est-à-dire voilà, qui portent sur un maximum d'informations, que les mots ils sont équitablement représentés, etc. Mais voilà, c'était quand même une avancée assez récente et assez forte. On peut quand même représenter une partie de la sémantique des mots par des techniques assez nouvelles. Bon, mais encore une fois, si moi je vous donne des vecteurs qui sont dans un espace, certes on voit qu'ils sont proches les uns des autres, mais si on ne sait pas à quoi ils correspondent dans le monde, on n'en sait pas plus. Ça ne veut pas dire pour autant que l'ordinateur comprenne ce qu'est une pomme, absolument, une voiture, un roi, une reine, etc. Mais néanmoins, ça veut dire qu'il est capable de faire un certain nombre d'associations, donc d'avoir un début, effectivement, et c'est le sens de ma question, un début de contexte sémantique. Exactement. Par rapport finalement au sens strict des mots et donc à l'association à des référents extérieurs. Voilà, c'est ça. Oui, oui c'est on a réussi quand même à opérationnaliser, c'est-à-dire à calculer une partie du sens, qui est le sens qui est véhiculé par la position des mots dans des grandes quantités de textes. Voilà. Warning. La méthode scientifique. Nicolas Martin. System overload. Enter security access code. Et à 16h24, bientôt 25 sur France Culture, nous parlons du traitement automatique des langues naturelles, c'est-à-dire la façon dont les ordinateurs comprennent les langages humains, comment ils les comprennent, comment ils les intègrent, et au bout de la chaîne, comment ils les retransmettent, c'est-à-dire finalement, comment se fait-il que vous pouvez parler à votre téléphone et qu'il vous donne des réponses cohérentes quand vous lui demandez d'appeler un ami, d'envoyer un message, d'aller à une direction ou de trouver une station service. Eh bien, nous en parlions avec Isabelle Tessier et Chloé Cavel. Alors, d'une des premières applications du traitement automatique des langages naturels à l'écrit, c'est outre l'indexation, c'est-à-dire la façon dont les moteurs de recherche, par exemple, peuvent comprendre une de vos requêtes ou en tout cas comprendre ce que vous cherchez, deviner ce que vous cherchez quand vous écrivez, par exemple, où est la pharmacie la plus proche. Mais une autre application importante, c'est celle de la traduction automatique. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu au LIMSI, le laboratoire d'informatique mécanique et des sciences de l'ingénieur à Saclay, pour comprendre comment les méthodes statistiques ont transformé la façon de faire de la traduction automatique. Oui, j'ai rencontré son directeur, François Yvon, qui travaille sur la traduction automatique avec le deep learning. Avant, les algorithmes traduisaient mot à mot en suivant des règles de grammaire strictes, ce qui pouvait amener à des confusions ou bien des contresens. Alors que maintenant, l'enjeu, c'est de faire des algorithmes qui auto-apprennent sur la base de références issues de conversations réelles. Pour traduire de manière plus naturelle et fidèle, on pourrait alors espérer que la traduction puisse transmettre ce qui échappe au vocabulaire comme le ton, l'humour ou bien l'émotion. Depuis environ les années 2000, un nombre croissant d'équipes s'est mis à étudier les méthodes statistiques pour développer des systèmes de traduction automatique. Et ces méthodes statistiques, elles demandent de disposer d'exemples de traduction déjà réalisés. Donc ces exemples de traduction déjà réalisés s'appellent des corpus parallèles. Et ces corpus parallèles contiennent simplement des ensembles de phrases avec, en regard de chaque phrase dans une langue source, cette traduction réalisée par un humain en langue cible. Et donc en exploitant systématiquement ces ensembles de traduction, eh bien on est capable d'extraire des régularités au niveau lexical. On réalise assez facilement qu'un mot se traduit d'une certaine manière en regardant les exemples de traduction de ce mot dans le corpus, et aussi extraire des régularités au niveau supralexical qui concernent des groupes de mots, voire des phrases entières. Et donc, une fois qu'on a extrait ces régularités, eh bien on devient capable de produire des nouvelles traductions de phrases qu'on n'a jamais observées dans le corpus d'apprentissage. On parle de traduction neuronale, d'apprentissage profond. Comment un algorithme peut prendre en compte ces données massivement ? Alors, le point central de toutes ces méthodes neuronales, c'est d'éviter de manipuler des mots comme des chaînes de caractères ou comme des entités discrètes, mais c'est de représenter les mots comme des vecteurs dans des espaces numériques. Et une fois qu'on a fait cette transformation, tout un tas de choses deviennent possibles, parce que finalement, la représentation numérique permet de manipuler de manière homogène tout un tas d'unités qui étaient incommensurables quand on les traitait de manière discrète. Et donc, pour simplifier les choses, un mot en français représenté comme un vecteur de nombre ne se distingue pas d'un mot en anglais représenté lui aussi comme un vecteur de nombre. Donc on peut les comparer, on peut transformer l'un en l'autre, on peut construire des fonctions qui passent de l'un à l'autre. Et ce Lego, ces capacités de manipulation que nous offre la représentation numérique, eh bien, elle a permis de changer la manière de faire de la traduction. En deux mots, hein, un système de traduction neuronale, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va prendre les mots d'une phrase source, il va un par un les transformer en une représentation numérique, et cette représentation numérique va être transformée de multiples manières, et à la fin elle va être décodée par un autre système de calcul qui va prendre les représentations numériques et produire un ensemble, une suite de mots dans la langue cible. Donc la notion d'analyse syntaxique ou toutes les notions linguistiques ont complètement disparu de ce modèle-là. Tout ce qui reste, c'est un processus d'encodage de la phrase source dans un ensemble de vecteurs et puis un processus de décodage de ces vecteurs numériques vers les mots de la phrase cible. Donc on peut comprendre par ce processus de conversion qu'il est plus simple de traduire une phrase, mais si on prend un paragraphe ou un texte en entier, comment une machine, un algorithme, pourra saisir les références, les subtilités, les registres ? La manière dont la machine traduit reste encore très très mal comprise. Et donc ce qu'on a pu observer, c'est qu'il est important de localiser dans la phrase source quel est le mot qui doit être traduit. Et donc les systèmes de traduction aujourd'hui intègre un mécanisme qu'on appelle un mécanisme d'attention, qui consiste simplement à localiser dans la phrase source les mots qu'il faut traduire à un moment donné. Donc on commence par traduire peut-être le début de la phrase, et puis après il faut traduire un mot qui est peut-être éloigné ou un mot qui est proche du mot précédent, et donc ce mécanisme d'attention est lui-même appris. Et puis l'autre chose qui est là très importante, c'est d'accumuler suffisamment de données en langue cible pour modéliser tous les phénomènes d'accord, tous les phénomènes de cohérence syntaxique au sein de la phrase cible, de manière à ce que à la fois on s'assure qu'on traduit correctement toutes les zones de la phrase source pour rendre le sens, et d'autre part qu'on produit en langue cible une phrase qui est syntaxiquement correcte. Et donc là, il y a un enjeu très important pour la traduction, qui est de faire des systèmes de traduction qui traduisent au-delà du niveau des langues, et d'une certaine manière, dans la langue, il peut y avoir des dépendances de diverses natures, la cohérence stylistique d'un document entier par exemple. Or, un système statistique, qu'il soit neuronal ou non neuronal, eh bien, il va devoir, disons, découvrir cette cohérence ou ses relations ou ses dépendances de manière automatique. Et on sait bien aujourd'hui que les dépendances statistiques entre mots proches ou entre unités proches sont facilement détectables, mais dès lors qu'elles mettent en jeu des relations qui sont arbitrairement longues, alors là, le système statistique est un peu gêné, quoi. Est-ce que cette difficulté, elle se retrouve dans les conversations instantanées, quand on fait des références d'ordre culturel ? Alors, la difficulté, elle est du même ordre, je dirais, dès lors qu'on s'adresse à une langue de tous les jours, qu'elle soit écrite dans des SMS ou écrite dans des mails ou parlée, eh bien là, on a deux difficultés. On a la difficulté que vous mentionnez, et puis on a aussi la difficulté de trouver des données parallèles pour simplement apprendre des systèmes de traduction, parce que des conversations spontanées traduites, il n'en existe pas. Et donc, il faut maintenir une cohérence de registre tout au long du discours, ce qu'un système de traduction, par définition, qui ne voit que phrase après phrase, est incapable de faire. À l'avenir, est-ce qu'on pourrait tout de même envisager de pouvoir avoir des conversations entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue ? Je pense qu'on en est encore assez loin, de mon point de vue. Donc, la première question étant évidemment celle des données. Et puis, une question importante est celle de l'interface, c'est-à-dire qu'est-ce que montre la machine à celui qui vient de parler pour l'assurer qu'elle a d'une part bien reconnu ce qu'il a dit et d'autre part qu'elle l'a bien traduit. Et donc, il y a toute cette question de la traduction en interaction qui est au moins aussi importante. Et donc, la manière dont on va concevoir des interfaces de traduction ou d'aide à la traduction ou d'aide à la compréhension en langue étrangère est au moins aussi importante de mon point de vue que la question du dispositif ou du processus de traduction lui-même qui va prendre, disons, des chaînes de caractères ou des signaux pour les traduire dans une autre langue. Voilà à peu près comment un ordinateur réussit à traduire vos phrases lorsque vous lui demandez de transcrire vos paroles dans un langage étranger. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Isabelle Tellier ? Oui, bah c'est bien parce que ça a illustré directement ce que je venais de raconter. Oui, c'est, c'est parfait. Oui, mais je connais bien François Yvon. Effectivement, l'équipe qu'il dirige au LIMSI est une des celles en France qui est les plus à jour sur les méthodes de traduction automatique. Donc, comme il a très bien expliqué, c'est de la traduction sans compréhension, en fait, sans passer par la compréhension. C'est la traduction vraiment uniquement des correspondances entre les formes de surface, c'est-à-dire les chaînes de caractères entre deux langues, voilà, qui en entraînant des systèmes dans lesquels cette correspondance est rendue explicite, hein, ces fameux corpus parallèles qui servent à alimenter les systèmes, mais sans passer par une représentation explicite du sens qui est véhiculé par ces phrases. Donc c'est à la fois magique et en même temps ça montre un peu le côté illusoire de ce qui est fait. Hein. Il lui-même dit à la fin, et je suis assez d'accord, qu'on est encore loin, les ordinateurs, même s'ils donnent l'illusion de traduire, en fait ils sont très loin de comprendre vraiment ce qu'ils font, quoi. Les ordinateurs donnent l'illusion de traduire, ils donnent l'illusion de comprendre, ils donnent l'illusion de restituer. Tout ça n'est qu'un vaste numéro de prestidigitation, Chloé Clavel. Alors, c'est vrai que là, c'est un bel exemple, la traduction, où on a facilement, en fait, quand on veut apprendre la tâche de traduction, on a les corpus, facilement ces corpus parallèles en fait de traduction, comme explique François Yvon, entre deux langues, qui permettent effectivement d'utiliser ces méthodes neuronales pour faire cette traduction. Et c'est vrai que après, le défi, c'est quand on est sur des problématiques où ce qu'on cherche à comprendre, ce qu'on veut faire comme mapping, c'est passer du texte à par exemple essayer de déterminer quelle est l'opinion véhiculée dans ce texte, ou quand on entend une voix, quelle est l'émotion contenue dans cette voix. Là, le mapping entre le texte ou le signal de parole et l'opinion et l'émotion, donc, doit être fait en utilisant des annotations de cette opinion et de cette émotion. Et là, la tâche, en fait, pour obtenir ces annotations d'opinion et d'émotion, c'est quelque chose de très délicat, en fait. Et donc, récupérer ces corpus annotés qui permettent d'exploiter ces méthodes neuronales, c'est une tâche beaucoup plus difficile, et c'est pour ça qu'on n'en est pas encore à de haute performance sur ces tâches-là. Il y a quelque chose que je trouve intéressant dans le reportage, c'est François Yvon dit la manière dont la machine traduit est encore très très mal comprise. Oui, alors je vais pas parler à sa place, hein, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que la manière dont le réseau lui-même finit par converger vers, en gros, là, ce qu'il apprend, hein, c'est des poids associés à des pondérations associées à ces fameux connexions entre les neurones. Quel est le lien entre un certain poids à une certaine position et le fait que tel mot est traduit par tel autre? Vous voyez, la corrélation n'est pas évidente. De même que la corrélation entre les mots et les fameux vecteurs d'une centaine de dimensions, je ne sais pas non plus, on ne sait pas l'interpréter, puisque les dimensions n'ont pas d'interprétation simple. Donc c'est assez mystérieux. C'est des corrélations statistiques, en fait, qui sont captées, mais encore une fois, ce n'est pas de la vraie compréhension. Et vous allez voir que quand on ajoute au texte la voix, ça devient encore plus mystérieux. méthode scientifique, Nicolas Martin. Crazy words, crazy tune, all that you'll ever hear him croon. Bo-do-dee-o, bo-do-do-dee-o-do. Sits around all night long, sings the same words to every song. Bo-do-dee-o, bo-do-do-dee-o-do. His ukulele, daily, how will strum. Bum, bum, bum, bampin' and stampin'. When he hollers, black bottom, crazy words, crazy tune. He'll be driving me crazy soon. Bo-do-dee-o, bo-do-do-dee-o-do. Abraham Lincoln at Gettysburg turned to the people and this was hoid. Bo-do-dee-o, bo-do-do-dee-o-do. Beans are sang one day. This is what he wanted to say. Bo-do-dee-o, bo-do-do-dee-o-do. Remember Patrick Henry in that speech, famous speech, cry, give me liberty or Scott la-la-da. Marlon Brando in the show, he would say, oh, so slow. Bo-do-dee-o, bo-do-dee-o-do. With a goat, this is what you'd hear him shout. Vo-do-dee-o-do-do-do-dee-o-do. When I'm naughty and I'm with Dean, this is what you'll hear him scream. Vo-do-dee-o-do-do-dee-o-do. His ukulele. Crazy Words, Crazy Tunes de Jerry Lewis sur France Culture à 16h35. Nous parlons de TAL, de traitement automatique du langage, en compagnie d'Isabelle Tellier et de Chloé Clavel. Isabelle Tellier qui est professeure de linguistique informatique à l'université Sorbonne Nouvelle et membre du laboratoire Lattis. Et Chloé Clavel qui est professeure associée en informatique affective à Télécom Paris Tech. Alors voilà, le traitement automatique du langage, c'est la façon dont les ordinateurs comprennent le langage à l'écrit et à l'oral. On a beaucoup parlé de l'écrit dans la première partie de cette émission. On va ajouter un niveau de complexité, à savoir la reconnaissance vocale et, in fine, la synthèse vocale, la raison, une fois de plus, pour laquelle votre téléphone ou votre ordinateur, non seulement vous comprend, mais en plus va vous répondre avec une voix de préférence pas trop désagréable à l'écoute, mais en fin de compte, Chloé Clavel, le fond du travail est le même. La seule chose, c'est qu'il y a une étape supplémentaire qui est celle de la reconnaissance vocale, dont on va voir qu'elle est assez complexe, mais une fois qu'il y a reconnaissance vocale, c'est exactement le même travail de reconnaissance du langage à l'écrit que celui dont on a parlé en première partie. Effectivement, il y a une première étape quand on parle d'un enregistrement de parole, donc on parle d'un signal de parole, pour passer de ce signal à une séquence de mots, donc qui correspond à ce signal de parole. Donc là, c'est là où on parle de reconnaissance vocale et les méthodes qui fonctionnent pour cela, en fait, sont des méthodes aussi d'apprentissage qui s'appuient aussi sur des corpus. Donc on a parlé tout à l'heure de... On revient toujours à la même question, donc d'avoir des corpus à noter. Donc avec des corpus qui ont d'abord été transcrits manuellement, voilà. Et donc les algorithmes derrière vont apprendre ce mapping entre ce signal et cette séquence de mots. Entre le même texte lu et le texte écrit. C'est ça, c'est-à-dire que le lien se fait entre le signal vocal et le signal écrit. Voilà, entre le signal vocal et le signal écrit. Le signal vocal n'est pas forcément un texte lu, et c'est là d'où vient toute la difficulté, parce que dans les applications de la vie courante où on utilise, parce que maintenant les systèmes de reconnaissance vocale sont quand même très intégrés dans des outils de la vie courante, et donc ils ont à traiter une grosse variabilité de locuteurs qui ne vont pas s'exprimer d'une manière de la même manière qu'à l'écrit. C'est-à-dire que quand on s'exprime à l'oral, on a le déroulement en fait syntagmatique de la manière dont on parle va être est plus ou moins décousu. Donc on peut hésiter, on peut s'arrêter en milieu d'une phrase, en commencer une nouvelle, s'arrêter au milieu d'un mot, reprendre un nouveau mot. Et donc tous ces phénomènes, ce sont ces phénomènes-là qui sont un peu difficiles encore à reconnaître. Mais c'est vrai que les systèmes de reconnaissance vocale comme on peut l'avoir on peut le tester sur Siri ou Cortana ou Google Home ou Alexa voilà, ou plein d'autres, tous les assistants personnels des différents ou les systèmes de dictée vocale aussi, il y a beaucoup, ou les systèmes de GPS, voilà, il y a beaucoup d'outils. Effectivement, la reconnaissance vocale est intégrée maintenant dans la vie courante, donc c'est vrai que ces systèmes commencent à s'en sortir quand même très bien. Relativement bien, bien sûr. Ouais. Surtout si on se souvient comme c'est mon cas, de certains logiciels de reconnaissance vocale avec lesquels on rigolait beaucoup dans les années 90, qui s'appelait Dragon Naturally Speaking, oui. Auquel on pouvait faire, on lui parlait, il écrivait n'importe quoi et ça faisait des textes qui étaient d'une sorte de poésie informatique assez amusante. Mais justement, comment on explique ce progrès exponentielle, Chloé Clavel, en 20 ans, aujourd'hui, effectivement, quand on parle à notre téléphone, alors que Dragon Naturally Speaking, quand je parle de ce logiciel-là, c'était il y a très très longtemps, c'était des logiciels extrêmement lourds. Aujourd'hui, eh bien, ça tient dans très peu de place en termes de mémoire allouée. Comment est-ce qu'on arrive, vu toute la difficulté, on imagine, pour par exemple un assistant personnel sur un téléphone, c'est-à-dire avec le brouhaha, le bruit, donc un signal extrêmement dégradé, et malgré tout, une réactivité, une réponse relativement bonne par rapport à l'ensemble de ces paramètres de complexité assez élevés. Oui, alors c'est vrai que quand on repense à Dragon Naturally Speaking, en fait, il y avait aussi toute une phase d'apprentissage, je me rappelle, effectivement, où il y avait une phase d'adaptation au locuteur, en fait, où on demandait à la personne d'elle-même générer ses données d'entraînement. De dire plusieurs mots, il fallait dire un certain nombre de mots pour que l'ordinateur reconnaisse notre voix. S'adapte à la voix, en fait, et puisse réentraîner, adapter ses modèles, en fait, à la voix de la personne et à sa manière de parler, à ses spécificités. Et donc, c'est vrai que maintenant, il n'y a pas cette phase, il n'y a plus du tout cette phase d'apprentissage. Je pense que là, on est encore sur le fait que, à la fois, évidemment, les méthodes et les temps de calcul pour pouvoir les implémenter, il y a eu énormément de progrès là-dessus, mais il y a aussi une explosion, la possibilité d'avoir un grand nombre de données et de plus gros corpus et du coup d'apprendre des modèles qui sont beaucoup plus robustes. C'est-à-dire que pour avoir un système de reconnaissance de la parole qui fonctionne dans une voiture, en environnement bruité avec un bruit de moteur, et ben il faut avoir des données où la personne elle a parlé dans un environnement bruité pour pouvoir réapprendre les modèles dessus. Donc du coup, je pense que c'est le fait qu'il y a eu de plus en plus des corpus disponibles ou récupérés et transcrits qui ont été de plus en plus nombreux, gros, et qui ont permis d'utiliser des méthodes. Et on est toujours effectivement sur ces méthodes neuronales et d'apprentissage profond qui sont très bien dans ce cas-là où on a énormément de données. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un effet d'entraînement avec la massification de ce type d'assistant. Finalement, ce sont des données récupérées qui permettent à chaque fois et à chaque mise à jour d'améliorer encore un petit peu. Effectivement, les tout premiers Siri, pour ne parler que de lui et pour évidemment avec tous les autres assistants personnels, reconnaissaient bien moins et étaient bien moins performants que ceux dont on dispose aujourd'hui et ceux dont on disposera certainement demain, parce que tout le monde précisément l'utilise et que tout ça enrichit le corpus référentiel de chaque assistant personnel. Oui, exactement, c'est ça. C'était vraiment la clé un peu aussi, je pense, du traitement automatique des langues et de la reconnaissance de la parole. Ce sont les données. Je voudrais insister sur ce dont Chloé vient de parler, c'est-à-dire l'importance des données d'entraînement. C'est-à-dire que tous les systèmes, là, que ce soit de traduction, de systèmes qui reconnaissent la polarité d'opinion, de texte, qui transcrivent le signal oral, etc., ils ont besoin d'être alimentés par des exemples. Et alors, autant, en fait, pour le traitement d'image, c'est là où les réseaux de neurones ont commencé à beaucoup très bien fonctionner, c'est pour le traitement d'image. Bon, annoter à une image, on peut demander ça à n'importe qui, voilà, savoir s'il y a un chat, un chien dans une image. Faire une analyse syntaxique d'une phrase, demander à des lecteurs si le texte est plutôt positif ou négatif, ça, ils savent faire aussi, mais faire des analyses un petit peu plus pointues, en fait, il y a besoin d'experts, on a encore besoin de linguistes pour fournir des données en grande quantité. difficultés à noter qui vont permettre d'alimenter ces systèmes. Et ça, c'est une des difficultés, effectivement, qu'on rencontre dans le domaine. C'est un domaine dans lequel les données sont plus difficiles à obtenir que dans beaucoup d'autres, en fait. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés qui ont été levées, qui vont évidemment être affinées avec le temps, mais les principales difficultés des algorithmes de reconnaissance vocale? Il y a toute une partie syntaxique d'étiquetage morphosyntaxique, de séparation des mots. Enfin, comment est-ce que de compréhension d'une phrase finalement, parce que ce qui est très évident une fois de plus pour nous à l'oral, parce qu'on imagine et qu'on peut conceptualiser la ponctuation, la virgule, le point, on a en plus tous les référents visuels, bref, tout le contexte dont on a parlé en première partie. Aujourd'hui, comment est-ce que c'est traité ça par une machine? Comment une machine comprend ce que je dis, quand je dis par exemple, ouvrez les guillemets, un bon appartement chaud? Alors effectivement, c'est là le où fameux on voit... bon appartement chaud. Donc effectivement, il y a de façon... la première étape où le signal est transcrit en texte, et donc à partir de ce texte où il y a déjà une certaine ponctuation qui va être transcrite. Et également. Là, je parle à l'oral vraiment, strictement voilà. À l'oral. Mais de l'oral jusqu'au texte, effectivement, la ponctuation de les pauses vont permettre de mettre la ponctuation, les virgules, les points. Et donc, et la prosodie, les points d'exclamation, etc. Après, derrière, il faut pouvoir analyser, comprendre le langage parlé tel qu'il a été écrit. Et donc, effectivement, faire un étiquetage, comme vous dites, l'étiquetage morphosyntaxique, c'est-à-dire pouvoir associer une catégorie grammaticale à chaque mot, nom, verbe, etc. Pour cela... Pourquoi on a besoin de linguistes, justement? Voilà. On se retrouve avec, quand on est sur des transcriptions de la parole, moi je travaille beaucoup sur des transcriptions de la parole, si on regarde juste la transcription, déjà, quand on la regarde, parfois on a du mal à voir où est le sujet, où est le verbe, parce que la personne, elle a eu, en écoutant, on comprend. Ça paraît évident, mais sans écouter, sans retourner au signal, en fait, on a du mal à comprendre où est le sujet parce que la personne, ben voilà, elle a fait des pauses et c'est pas forcément parce qu'elle hésitait ou qu'elle n'était pas capable de s'exprimer d'une manière fluide, c'est aussi parce que toutes ces disfluences, ces marqueurs de discours, c'est quelque chose qui font qu'à l'oral, on peut mettre de l'emphase sur certains aspects, qu'on peut mettre certains... voilà, c'est ce qui permet de construire notre discours. Et donc, du coup, quand on cherche à analyser cette séquence de mots sans regarder le signal, on a du mal parfois à pouvoir attribuer les étiquettes grammaticales parce que ces étiqueteurs morphosyntaxiques tournent très bien sur l'écrit et tu vas me dire Isabelle si, mais ils tournent très mal sur l'oral encore. Oui, mais c'est une grosse difficulté oui, parce que Isabelle Tellier. Encore une fois, quand on alors non seulement il faut avoir des corpus avec des annotations, mais alors par exemple un des premiers corpus en France à noter qui a été rendu disponible avec des annotations très précises à la fois d'étiquettes et puis aussi même des arbres d'analyse syntaxique des phrases et ça s'appelait le French Tree Bank qui est disponible depuis une vingtaine d'années et en fait c'est des phrases extraites d'articles du Monde. Bon, alors très bien, donc c'est des belles phrases, bien construites, etc. Et on a appris, on a entraîné énormément de modèles à partir de ce corpus. Bon, mais le problème, c'est que quand on lui donne à analyser des tweets, il donne pas des très bons résultats. En fait, il y a une grande variabilité, évidemment, suivant les modalités de la langue. Il faut quasiment tout recommencer à chaque fois. Donc, il faut beaucoup de corpus différents, il faut multiplier les sources de variabilité pour adapter les modèles dès qu'on change de domaine, dès qu'on change de médias, dès qu'on change de dialecte, voilà, parce qu'il y a des accents, enfin, il y a énormément de sources de variabilité dans la langue, et donc faire un apprentissage qui soit vraiment général, c'est très très difficile. Et donc à chaque forme de variabilité, il faut un nouveau corpus ? Et oui, c'est ça la difficulté. C'est une des sources de difficulté où il faut essayer d'adapter le modèle avec essayer d'annoter peu de données, mais qui vont permettre de le faire basculer le modèle, c'est-à-dire le modèle, c'est-à-dire le résultat de l'apprentissage vers des données un petit peu différentes de celles qui lui ont servi d'entraînement. C'est des problématiques de recherche actuelles. On est vraiment en plein là-dedans. Ouais. Autre question, Chloé Clavel, je vous parlais de la séparation des mots, du fameux un bon appartement chaud qui peut signifier à la fois un appartement qui est chaud ou un bon appart qui n'a pas de bras. Comment sur l'analyse syntaxique aussi et sur la polysémie des mots? Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à un ordinateur de discriminer je regarde l'homme avec les jumelles, par exemple? Alors là, que là, vous me posez une colle. C'est une phrase qui est l'exemple typique de ce qu'on appelle une ambiguïté syntaxique. Mm-hmm. Parce que l'homme avec les jumelles, en fait, il y a un problème de rattachement. On ne sait pas si les jumelles, enfin, est-ce qu'elles sont le moyen par lequel on regarde ou est-ce qu'elles sont une propriété de l'homme qu'on est en train de regarder. Et donc, si elles sont une propriété, elles peuvent être à la fois deux petites filles qui sont des sœurs jumelles ou en plus un objet. Donc il y a plein d'ambiguïtés. Voilà. Donc, par exemple, si on a cette phrase-là à l'écrit, cette phrase-là isolée à l'écrit, on n'a aucun moyen de décider quelle est. Donc là, on a besoin. C'est là où il faudra voir les phrases d'avant, les phrases d'après, pour voir un petit peu le contexte de la phrase. Dans un cadre de traduction, par exemple, si on n'a pas levé l'ambiguïté, on risque de faire des bêtises. Voilà, c'est les problèmes de discours de manière générale. Les systèmes automatiques, alors, soit ils sont entraînés à essayer de trouver la phrase la plus probable, l'interprétation la plus probable, soit ils ont des moyens d'essayer d'arbitrer entre plusieurs ambiguïtés, soit certains produisent tous les cas possibles et ils retardent le choix à une étape ultérieure. Enfin, voilà, c'est évidemment les grosses difficultés de la langue humaine, c'est qu'il y a plein de sources d'ambiguïté à plein de niveaux. Au niveau des mots, il y a beaucoup de mots ambigus, il y a des structures syntaxiques ambiguës, il y a des discours ambigus. Voilà, quand on commence à parler de il ou elle, voilà, on sait plus trop de qui on parle au bout d'un moment. Si on n'a pas on peut construire des problèmes d'ambiguïté qui sont liés à des rattachements comme ça de références entre des pronoms et leurs antécédents. Donc il y a plein de sources d'ambiguïté qui sont, ça fait partie des difficultés de compréhension qu'il faut modéliser et qui sont difficiles à programmer. Une dernière question, Chloé Clavel, en quelques mots aujourd'hui, quelles sont les techniques d'implémentation de reconnaissance émotionnelle ou affective? Est-ce qu'aujourd'hui, un logiciel, un ordinateur, un assistant personnel peut détecter dans ma voix de l'énervement, de la colère, de la joie, de l'amusement, de la tristesse, ou est-ce que pour le moment c'est encore de la science-fiction? Disons qu'il y a des systèmes qui fonctionnent et qui sont développés et qui fonctionnent, de là à les rendre complètement industriels. Les performances ne sont pas encore suffisamment fiables pour en faire un usage général. Donc c'est vrai que ces méthodes, en fait, elles vont beaucoup dépendre de l'application, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on cherche à faire, on va pas vouloir détecter forcément les mêmes catégories d'émotions. Si on est en train d'analyser des conversations de centres d'appel, on va s'intéresser à des émotions qui vont relever plus est-ce que le client est frustré de la conversation, est-ce qu'il exprime une certaine frustration, une certaine colère ou au contraire une certaine satisfaction. Si on est dans des applications où on est dans des applications plutôt pédagogiques d'interaction aussi avec un robot, où on est un robot qui va essayer d'apprendre en dialoguant avec des enfants, là on va chercher plutôt à détecter est-ce que l'enfant est suffisamment à l'aise, est-ce qu'il n'est pas stressé. Voilà, donc il y a différentes, en fait. Voilà, c'est pour donner des exemples que selon les applications, on ne va pas s'intéresser au même type d'émotions. Et en fait, reconnaître des émotions, ça nécessite de pouvoir avoir ces données spécifiques à l'application pour pouvoir apprendre les modèles. Il est déjà 16h53 et comme tous les mercredis, eh bien c'est l'heure de la recherche montre en main où nous recevons de jeunes scientifiques qui viennent nous parler de leurs travaux de recherche en 4 minutes. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathilde Regnault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse à la Sorbonne Nouvelle au laboratoire Lattice auquel participe Isabelle Tellier. Vous êtes la bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour, merci de m'avoir invité dans votre émission. Oui, je suis bien doctorante au Lattice, qui est un laboratoire de linguistique sous la tutelle du CNRS, de l'ENS et de Paris Sorbonne Nouvelle. Ma thèse s'inscrit dans le projet Profitrol, qui est financé par l'Agence Nationale de la Recherche. Il vise à développer des outils de traitement pour le français médiéval, c'est-à-dire la langue française du 9e au 15e siècle. Cette période recouvre des états de langue très hétérogènes, de par les différents dialectes, leurs évolutions, mais aussi parce que les graphies étaient très variables et l'ordre des mots assez libre, un peu comme en latin. Nous voulons créer ce qu'on appelle une chaîne de traitement linguistique, c'est-à-dire des programmes qui vont tourner les uns après les autres pour annoter des textes avec des informations linguistiques, dont des relations syntaxiques entre mots. Nous avons besoin pour cela de textes numérisés le plus fidèlement possible, de connaissances linguistiques sur le français médiéval, de lexique chronologique et de programmes pour annoter les catégories grammaticales des mots et les fonctions syntaxiques au sein des phrases. Les catégories grammaticales sont habituellement acquises par apprentissage automatique, dont vous avez parlé tout aujourd'hui. Un algorithme apprend à étiqueter des textes à partir d'un ensemble d'apprentissages assez homogène et volumineux. En ce qui concerne les fonctions syntaxiques, par exemple le sujet ou l'objet d'un verbe, il y a deux approches traditionnelles. La première est d'inspiration linguistique. Il s'agit de constituer un ensemble de règles pour décrire quelles constructions sont possibles. Les règles de base sont faciles à écrire, mais plus on en écrit, plus on risque d'introduire des conflits et des interactions imprévues et ainsi de casser ce qui a été fait. Le français médiéval ne se prête pas bien à cette approche car les états de langue sont trop variés pour en tirer un unique système de règles. La deuxième approche est l'apprentissage automatique. À partir de corpus déjà annotés, un algorithme apprend à étiqueter des fonctions syntaxiques. Cependant, nous disposons de trop peu de données qui sont de plus hétérogènes. Nous avons donc choisi une méthode hybride. Et c'est là que Metamorph intervient. Or, il ne s'agit pas d'un Pokémon, mais de ma métagrammaire. D'accord. Et qu'est-ce donc une métagrammaire, vous demandez. Si la grammaire est la description du système de la langue, donc un niveau méta, la métagrammaire est un niveau de description plus abstrait encore. On pourrait dire que c'est une grammaire de grammaire. L'idée peut paraître un peu curieuse, mais en fait, on décrit simplement les notions de catégories grammaticales et de fonctions, et on dit quelles interactions chacune d'entre elles peut avoir avec les autres. On dira par exemple, dans la description du nom, qu'il peut avoir un déterminant qui le précède, et que ces deux éléments doivent s'accorder, et on dira que le nom peut aussi être sujet d'un verbe, lequel devra être à la troisième personne. Parfois, le sujet et le verbe n'ont pas le même nombre. La gent, qui signifie en ancien français « les gens », entraîne souvent un verbe au pluriel alors que c'est un nom singulier. Dans le cas d'exception pour des phénomènes identifiés comme celui-ci, on prévoit des règles spécifiques dans notre métagrammaire qui peut facilement évoluer au fil des observations. Dans le cas d'exception réellement accidentelle, on prévoit des mécanismes de relâchement de contraintes pour permettre tout de même une analyse de la phrase, même si cette phrase n'est pas canonique. On fait ensuite passer une phrase dans cette métagrammaire qui produit toutes les analyses possibles. Et l'analyse finale est choisie par un algorithme qu'on a entraîné pour reconnaître les structures les plus courantes. Ces travaux permettront de doter le français médiéval d'une chaîne de traitement automatique. Nous voulons obtenir grâce à cela un corpus annoté d'un million de mots, notre corpus d'apprentissage en comptant actuellement 250 000. Au terme de ces travaux, nous espérons mettre au jour les stratégies pour traiter différents états chronologiques d'une même langue et plus généralement les données linguistiques hétérogènes qui tendent à se multiplier du fait de la diversification des supports. Pour finir, je voulais remercier mes encadrantes de thèse, Sophie Prévost, Isabelle Tellier et Éric de la Clergerie, de m'avoir fait confiance pour ce travail de recherche et de m'aider à le mener. Eh bien, nous vous remercions d'être venu le défendre brillamment à l'antenne. Merci beaucoup, Mathilde Regnault. Et puis, qui sait, peut-être que demain, les médiévistes pourront parler à leur assistant personnel en ancien français, ce qui ne serait peut-être pas tout à fait désagréable de rentrer chez soi et d'avoir une conversation, je ne sais pas pourquoi pas, sur la mort, le roi Arthur. Merci en tout cas à toutes les trois. Merci Mathilde Regnault, merci Chloé Clavel, merci Isabelle Tellier d'être venue me parler du traitement automatique du langage naturel. Et puis je vous envoie à un autre type de traitement du langage, celui qui est fait dans la revue papier de France Culture, la très bonne revue dont le numéro 24 est actuellement en vente dans les kiosques et dans les librairies, sur le thème animaux si proches, trop proches, emprunté en partie à notre forum du mois dernier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne autour de la question animale. Et puis puisqu'on parle du forum, figurez-vous que eh bien, la semaine prochaine, ce sera samedi le 31, c'est le troisième et dernier forum l'année vue par les savoirs de l'année. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous inscrire sur le site maisondelaradio.fr. Le thème retenu pour ce forum du 31 mars, c'est les révolutions de l'intelligence. Nous y parlerons, pour ce qui nous concerne dans la partie scientifique, de l'intelligence artificielle, de savoir si elle est vraiment intelligente, cette intelligence artificielle. Vous en avez eu des éléments de réponse dans l'émission du jour. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lausanne, Sarah Higemans, Naguet de Saint-Vulfran, Elisabeth Miro à la réalisation, Audrey Guélil à la technique. Dans un instant, eh bien, c'est le troisième épisode de la série documentaire de la semaine consacrée aux femmes de science. Aujourd'hui, la vétérinaire Marie-Claude Bomsel, qui est précisément dans la revue papier, décidément tout est lié. C'est une série d'Olivier Chomel et de Vincent Deck. Et puis, tout à l'heure, du grain à moudre, aura-t-il fallu 500 jours pour comprendre la politique étrangère de Donald Trump? C'est à 18h20 avec Hervé Gardette. Pour ce qui nous concerne, eh bien, demain, nous nous ouvrirons en deux pour parler de la découverte du corps, de ses organes, de son fonctionnement et de sa cartographie intime. Ce sera l'histoire de l'anatomie dans la méthode scientifique demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.